Chapitre 2e. Les heures de présence exigées de la bibliothécaire du Hatchard Memorial étaient de 3 à 5, et le sentiment du devoir arrivait, d'habitude, à tenir Charity Royal devant son bureau jusqu'à 4h30 environ. Mais elle n'avait jamais pu découvrir qu'un avantage pratique quelconque pût en résulter pour North Dormer ou pour elle-même, et c'était sans scrupule qu'elle décidait, quand cela lui convenait, que la bibliothèque fermerait une heure plus tôt. Quelques minutes après le départ du jeune Harney, ses décisions furent prises. Charity plia sa dentelle, ferma les volets et tourna la clé dans la porte du temple des lettres. La rue était encore déserte. Après avoir regardé à droite et à gauche, la jeune fille se dirigea vers sa maison. Mais au lieu d'y entrer, elle continua sa route et prit un sentier à travers champs qui montait vers une prairie s'étalant au flanc de la colline. Elle ouvrit la barrière et le long d'un mur écroulé, suivit une piste jusqu'à un tertre où un bouquet de mélèzes secouait dans le vent ses feuilles nouvelles. Elle s'étendit à l'ombre, enleva son chapeau et enfonça son visage dans l'herbe. Obscurément, elle se savait insensible à bien des choses, mais à tout ce qui était air, lumière, parfum et couleur, chaque goutte de sang vibrait en elle. Elle aimait la sensation de l'herbe drue de la montagne sous ses paumes, l'odeur du thym dans lequel elle enfouissait son visage, le frôlement de la brise dans ses cheveux ou à travers sa blouse légère, et le craquement des mélèzes secoués par le souffle puissant du vent. Elle gravissait souvent cette colline, et là, étendue sur l'herbe, seule, jouissait du plaisir de respirer le vent ou de frotter ses joues contre le thym. Oubliant sa vie, elle restait plongée dans un vague bien-être. Aujourd'hui, cette sensation de bien-être s'augmentait encore de la joie de son évasion. Jamais elle n'avait davantage détesté sa prison. Certes, il ne lui était pas désagréable qu'une amie vînt de temps en temps la surprendre à la bibliothèque pour bavarder avec elle. Mais elle n'admettait pas qu'on l'ennuyât à propos de livres. Comment aurait-elle pu se souvenir sur quel rayon il se trouvait, alors qu'on le lui demandait si rarement? Orma Fry, quelquefois, emportait un roman. Son frère Ben avait, lui, un faible pour les manuels de géographie, et aussi pour les livres traitant de commerce et de comptabilité. Mais personne d'autre ne s'avisait jamais de réclamer quoi que ce soit, sauf parfois la case de l'oncle Tom ou les poèmes de Longfellow. Ces livres-là, elle les avait sous la main et les aurait trouvés la nuit, sans lumière. Mais les demandes inattendues étaient si rares qu'elles l'exaspéraient comme une injustice. Charity s'avouait que la physionomie du jeune architecte lui était sympathique. Elle aimait ses yeux gris de myope au regard très doux, sa façon de parler un peu singulière, brusque et douce à la fois. Ses mains allées et nerveuses, mais avec des ongles polis et bien tenus comme ceux d'une femme. Elle se remémorait la couleur de ses cheveux, pareille à celle des fougères après la gelée, et qui avait aussi l'air d'être comme brûlée par le soleil. Elle revoyait son sourire à la fois discret et confiant. Sous ce sourire, elle devinait la connaissance de 1000 choses inconnues d'elle, mais nul sentiment d'orgueil, et la supériorité qu'elle y devinait lui procurait une agréable sensation. Pauvre et ignorante comme elle l'était, la plus humble parmi les humbles, même à North Dormer, où le fait de venir de la montagne était déjà la pire disgrâce, elle avait cependant toujours régné dans le monde étroit qui était le sien. L'avocat Royal était incontestablement l'homme le plus important de North Dormer. Il était tellement au-dessus de son milieu que les étrangers, après s'être entretenus avec lui, s'étonnaient toujours de le voir végéter dans ce coin perdu. Malgré son passé, et malgré tout le prestige de Miss Hatchard, Mr. Royal régnait donc dans North Dormer, et Charity régnait dans la maison de l'avocat. Elle ne s'était jamais avouée à elle-même cette toute-puissance, mais elle en était consciente, et comme elle en savait la cause, elle l'avait en horreur. Et voilà que, confusément, le jeune Harney lui avait fait sentir, pour la première fois, ce que pourrait être la douceur de la dépendance. Elle se redressa, secouant la tête comme pour chasser une idée obsédante, et aussi pour faire tomber de ses cheveux les quelques brins d'herbe qui s'y étaient logés. Soudain, ses yeux s'abaissèrent vers la pauvre demeure où elle régnait. La maison, construite en bois comme toutes celles du village, et peinte d'un rouge délavé par le vent et la pluie, se dressait au pied de la colline. Un jardinet avec un sentier bordé de groseilliers séparait la façade de la route. D'un côté était le puits, dont l'arceau était recouvert d'une clématite, et de l'autre, le rosier grimpant attaché à une treille en forme d'éventail que Mr. Royal lui avait apporté un jour de Hepburn. Derrière la maison, un coin de terrain inégal servait à tendre le linge. Elle apercevait les cordes attachées à des poteaux qui s'étendaient jusqu'à un mur croulant, au-delà duquel un carré de maïs et quelques rangées de pommes de terre bordaient la terre en friche couverte de fougères et de rochers. Charity ne pouvait se souvenir de l'impression qu'elle avait ressentie en voyant cette maison pour la première fois. On lui avait dit plus tard qu'elle était malade d'une fièvre quand on l'avait transportée de la montagne. Elle se souvenait seulement de s'être réveillée un matin dans un lit cage au pied du lit de Mrs. Royal et d'avoir ouvert des yeux étonnés sur la propreté glaciale de la chambre qui devait plus tard devenir la sienne. Mrs. Royal mourut 7 ou 8 ans plus tard. À cette époque, Charity avait déjà saisi bien des choses qui se passaient autour d'elle. Elle savait que Mrs. Royal était triste, timide et faible, et que l'avocat Royal était dur et violent, et encore plus faible que sa femme. Elle savait que, dans l'église blanche à l'autre bout du village, elle avait été baptisée du nom de Charity, pour commémorer le désintéressement des Royal et pour garder vivant en elle un juste sentiment de sa dépendance. Elle savait surtout que Mr. Royal, qui était son tuteur, ne l'avait pas légalement adoptée, bien que tout le monde l'appelât Charity Royal. Elle savait aussi pourquoi Mr. Royal était revenu vivre à North Dormer au lieu de rester à Nettleton, où il avait brillamment commencé sa carrière. On avait parlé, après la mort de Mrs. Royal, de placer Charity dans une pension de jeune fille. Miss Hatchard avait même eu à ce sujet une longue conférence avec Mr. Royal, et celui-ci, d'après les indications de Miss Hatchard, était parti un jour à Starkfield visiter l'institution que la vieille demoiselle lui recommandait. Il en était revenu le lendemain soir, le visage sombre, plus sombre que Charity ne l'avait jamais vu, bien qu'elle eût déjà quelque expérience de son humeur maussade. Lorsqu'elle lui demanda la date de son départ, il répondit brusquement « Vous ne partez pas !» Puis, sans proférer d'autres paroles, il alla s'enfermer dans la petite pièce mal éclairée qu'il dénommait son cabinet de travail. Le lendemain, la directrice de la pension de Starkfield écrivait, dans les termes d'une politesse glacée, qu'elle craignait de ne pas pouvoir recevoir Miss Royal chez elle. Charity se rendit compte aussitôt de ce qui avait dû se passer. Mr. Royal avait certainement cédé une fois encore à son pernicieux penchant pour la boisson. Mais la jeune fille devina que ce n'étaient pas les médiocres tentations de Starkfield qui l'avaient poussée à s'enivrer, mais plutôt le chagrin de se séparer d'elle. Mr. Royal était un homme profondément taciturne et solitaire, et cela, la jeune fille l'avait compris, car elle l'était elle-même et au même degré. Lui et elle, face à face dans cette triste maison, avaient sondé les profondeurs de l'isolement, et bien qu'elle ne ressentît pour lui aucune affection particulière, ni même la plus simple reconnaissance, elle le plaignait néanmoins, parce qu'elle avait conscience qu'il était supérieur aux gens qui l'entouraient, et qu'elle était le seul être humain dressé entre lui et la solitude. Aussi, quand Miss Hatchard la fit venir quelques jours plus tard pour lui parler d'une pension à Nettleton et lui dire que cette fois, une de ses amies ferait les arrangements nécessaires, Charity coupa court à cette offre en disant qu'elle avait pris la décision de ne pas quitter North Dormer. Miss Hatchard, surprise, la sermonna doucement, mais sans résultat. Charity répéta simplement « Je ne peux pas laisser Mr. Royal seul. » Miss Hatchard cligna des yeux derrière son pince-nez. Sur sa longue figure mince s'imprimèrent des petites rides d'inquiétude. Puis elle se pencha en avant, appuyée sur les bras de son fauteuil d'acajou, avec le désir évident d'accomplir jusqu'au bout son devoir vis-à-vis de sa protégée. « Ce sentiment vous fait honneur, mon enfant, mais cependant... » Miss Hatchard s'était arrêtée, contemplant les pâles boiseries de son salon vieillot, comme pour demander conseil au daguerréotype de ses grands-parents suspendus au mur. Le regard immobile de ses aïeux semblait accroître pour elle la difficulté de parler. Le fait est que ce n'est pas seulement à cause de votre éducation que je vous engage à aller à Nettleton. Il y a d'autres raisons. Mais vous êtes trop jeune pour les comprendre, balbutia-t-elle. Je les comprends, interrompit Charity d'un ton brusque. Miss Hatchard rougit ingénument jusque sous son bonnet de dentelle. Mais devant son explication nettement coupée, elle était visiblement soulagée. Elle conclut, après avoir de nouveau imploré du regard ses daguerréotypes, « Dans tous les cas, je ferai tout ce que je pourrai pour vous, et si plus tard vous changez d'avis, vous pourrez toujours venir me trouver. » L'avocat attendait l'issue de la visite de Charité sur le perron de la Maison Rouge. Il s'était rasé, et se tenait tout droit devant elle dans son habit noir soigneusement brossé. En ces moments, c'était un magnifique vieillard, et Charity ne pouvait s'empêcher de l'admirer. « Eh bien, » dit-il brusquement, « est-ce arrangé ?»« Non, je ne pars pas. Vous n'allez pas à Nettleton, ni là, ni ailleurs. » Il demande alors d'une voix basse et grave, « Pourquoi ?»« J'aime mieux rester ici, » fit-elle brièvement. Et sans le regarder, elle monta tout droit à sa chambre. La semaine suivante, il lui rapporta le rosier grimpant de Hepburn. C'était le seul cadeau qu'il lui eût jamais fait. Pendant les 2 années qui suivirent, la vie de Charity s'écoula sans incident. Quand elle eut 17 ans, Mr. Royal, qui redoutait toujours d'être obligé d'aller à Nettleton, venait d'y être appelé à propos d'un procès. Il exerçait encore sa profession, bien que les procès fussent plutôt rares à North Dormore et dans les hameaux environnants. Toutefois, quand l'occasion de plaider à Nettleton s'offrait à lui, il était difficile de refuser. Il passa 3 jours à Nettleton, gagna son procès et revint d'une humeur charmante. Au souper, il parla longuement du chaleureux accueil que lui avaient fait ses vieux amis de la ville. « Après tout, dit-il sur un ton de confidence, j'ai été un fameux imbécile de quitter Nettleton. C'est ma femme qui m'a fait faire cette sottise. » Charity comprit aussitôt que quelque chose d'humiliant et de pénible lui était arrivé, et qu'il ne parlait avec tant d'animation que pour chasser ce douloureux souvenir. Elle monta se coucher de bonne heure, le laissant assis dans la salle à manger, les coudes sur la toile cirée de la table, enfoncés dans ses pensées maussades. En montant, elle avait pris soin de retirer de la poche du pardessus de Mr. Royal la clé du buffet où l'on enfermait la bouteille de whisky. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée en sursaut par un bruit à sa porte. Elle sauta de son lit et entendit la voix de Mr. Royal. « Ouvrez !» disait-il. Il parlait à voix basse, mais d'un ton décidé. Elle ouvrit, craignant d'abord un accident. Aucune autre pensée ne lui vint. Mais quand elle l'aperçut sur le pas de la porte, éclairée par un rayon de la lune automnale qui tombait sur son visage défait, elle comprit. Pendant un moment, ils se regardèrent en silence, puis, comme Mr. Royal, s'avançant, posait déjà le pied sur le seuil, elle étendit brusquement le bras et l'arrêta. « Allez-vous-en » s'écria-t-elle d'une voix perçante qui la surprit elle-même. « Vous n'aurez pas la clé du buffet. »« Charity, de grâce, laissez-moi entrer. Je ne veux pas la clé du buffet. Je suis un pauvre homme tout seul. » continua-t-il de cette voix profonde qui l'émouvait parfois. D'un geste plein de mépris, elle le tenait à distance. « Je crois que vous vous trompez. Ce n'est plus ici la chambre de votre femme. » Charity n'avait pas peur. Elle ne ressentait qu'un immense dégoût. Peut-être le devina-t-il ou le lut-il sur son visage, car après l'avoir regardé fixement quelques secondes, il recula et s'en retourna lentement. L'oreille à la serrure, Charity l'entendit d'abord chercher son chemin en tâtonnant dans l'escalier obscur et puis se diriger vers la cuisine. Elle s'apprêtait à entendre sauter le panneau de buffet sous un coup de poing exaspéré, mais elle ne perçut que le bruit de la porte de la maison qui s'ouvrait, et par la fenêtre, elle entendit l'écho des pas lourds de Mr. Royal. Caché derrière les volets, elle le vit, tout penché, descendre le sentier du jardin et monter la route déserte éclairée par la lune. Alors, tout à coup, la peur la prit et elle se blottit en grelottant sous les couvertures de son lit. 1 ou 2 jours plus tard, la pauvre Dora Skeff, qui avait été la gardienne de la bibliothèque Hatchard, mourait subitement d'une congestion pulmonaire. Le lendemain qui suivit l'enterrement, Charity se présenta chez Miss Hatchard et lui demanda d'être nommée bibliothécaire. La requête parut surprendre vivement la vieille demoiselle. Évidemment, Miss Hatchard doutait un peu des capacités de la nouvelle candidate. « Mon Dieu, mon enfant, je ne sais pas. N'êtes-vous pas un peu jeune ? » demanda-t-elle en hésitant. « J'ai besoin de gagner de l'argent, » répondit brièvement Charity. « Mr. Royal ne vous donne-t-il pas tout ce dont vous avez besoin ? Personne n'est riche à North Dormore. « J'ai besoin de gagner assez pour m'en aller. »« Vous en allez. » Les petites rides inquiètes de Miss Hatchard se creusèrent et il y eut un silence pénible. « Vous voulez donc quitter, Mr. Royal ? » continua-t-elle, visiblement gênée. « Oui, ou bien, je veux une autre femme avec moi dans la maison, » dit Charity d'un air résolu. Les mains agitées de Miss Hatchard se cramponnèrent au bras de sa chaise. Elle jeta un regard implorant vers les portraits fanés pendus au mur. Et après un petit toussotement, elle prononça « Les travaux de ménage sont sans doute trop durs pour vous ?» Le cœur de Charity se glaça. Elle comprit que Miss Hatchard ne voulait pas comprendre et qu'elle devait dès lors trouver toute seule le moyen de sortir de sa situation pénible. Un sentiment d'isolement plus profond l'accabla. Il lui semblait avoir soudain incroyablement vieilli. La pauvre, il faut lui parler comme à une enfant, pensa-t-elle, prise de compassion pour la longue puérilité de la vieille fille. Oui, c'est cela, dit-elle tout haut. Le travail de la maison est trop dur, j'ai beaucoup toussé cet automne. Elle remarqua l'effet immédiat que produisirent ces dernières paroles. Mais Thatcher n'avait pas lié au souvenir de l'enlèvement subi de la pauvre Dora. Elle promit immédiatement de faire ce qu'elle pourrait pour obtenir le poste de bibliothécaire pour sa protégée. Évidemment, il y avait des gens qu'elle devait consulter, le pasteur, les conseillers municipaux de North Dormer, et aussi un parent éloigné des Hatchard qui habitait Springfield. « Si seulement vous aviez été au pensionnat » soupira-t-elle. Elle accompagna Charity en boitant jusqu'à la porte, et là, comme rassurée par le fait que la conversation touchait à sa fin, elle ajouta, opposant sur la jeune fille son doux regard évasif. « Je sais que Mr. Royal est difficile parfois, mais sa femme le supportait chrétiennement. Suivez son exemple, et souvenez-vous toujours, Charity, que c'est Mr. Royal qui vous a amené de la montagne. » Charity rentra. Dès qu'elle fut à la maison, elle alla tout droit au cabinet de travail de Mr. Royal. Elle le trouva assis près du poêle, lisant les discours de Daniel Webster. 5 jours s'étaient écoulés depuis la nuit où il était venu à sa porte. Depuis ce temps, ils s'étaient trouvés ensemble au repas. Elle avait marché à côté de lui à l'enterrement de Dora Skeff, mais jamais ils n'avaient échangé une parole. En la voyant entrer, Mr. Royal eut un sursaut d'étonnement. Charity remarqua qu'il n'était pas rasé et qu'il avait l'air plus vieux que d'habitude. Cependant, comme elle l'avait toujours considéré comme un vieillard, sa figure ravagée ne l'émut pas. Elle lui dit brièvement qu'elle avait été chez Miss Hatchard et lui expliqua le but de sa visite. Il parut surpris, mais ne fit aucun commentaire. « Je lui dis que les travaux du ménage étaient trop durs pour moi et que je voulais gagner de quoi payer une servante. Mais c'est vous qui la payerez. Je veux garder pour moi l'argent que je gagnerai. » Les sourcils broussailleux de Mr. Royal se froncèrent et ses doigts tachés d'encre tapotèrent le bord de son bureau. « Pourquoi voulez-vous de l'argent ? » demanda-t-il. « Pour m'en aller quand j'aurai de quoi me chercher une situation ailleurs. » Il hésita et demanda d'une voix blanche. « Pourquoi voulez-vous vous en aller, Charity ?» Elle le toisa avec un ricanement de mépris. « Vous imaginez-vous que, sauf en cas de nécessité, un être humain resterait à North Dormer ? Vous-même, vous ne le feriez pas, tout le monde le dit. » La tête basse, il demanda. « Où iriez-vous ? Là où je pourrais gagner ma vie. J'essaierai ici d'abord, et si ce n'est pas possible, j'irai ailleurs, n'importe où. Je retournerai à la montagne s'il le faut. » Elle s'arrêta sur cette menace, voyant qu'elle avait produit son effet. « Je voudrais que vous plaidiez auprès de Miss Hatchard et des conseillers pour que l'homme obtienne la garde de la bibliothèque, et je désirais qu'il y ait ici une femme avec moi, » ajouta-t-elle. Mr. Royal était devenu très pâle. Quand elle eut fini, il se redressa pesamment, s'appuyant contre le bureau de ses deux mains musclées et velues. Pendant une seconde, ils se regardèrent sans parler. « Écoutez, » finit-il par articuler d'une voix sourde, comme si les mots qu'il voulait prononcer l'étouffaient. « J'ai quelque chose à vous dire. » Il y a longtemps que j'ai voulu vous en parler. Voulez-vous que nous nous marions ? La jeune fille, sans bouger, continua à le regarder fixement. « Je veux vous épouser, » répéta-t-il, et il toussa pour affermir sa voix. Il continua. « Le pasteur sera ici dimanche prochain. Nous pourrions être mariés par lui, ou bien nous irons devant le juge de paix, à Hepburn, si vous préférez un mariage civil. Je ferai ce que vous désirerez. » Haletant, il baissa les yeux sous l'impitoyable regard que Charity continuait à poser sur lui. Il se tenait là, devant elle, lourd, vieilli, presque sordide, sa toilette en désordre, les mains où gonflaient ses veines, s'appuyant sur le bureau. Sa longue mâchoire d'orateur tremblait de l'effort qu'il avait dû s'imposer pour faire son aveu. Il apparut à la jeune fille comme la lamentable caricature du vieillard paternel qu'elle avait connu jadis. « Me marier avec vous, moi !» lui jeta-t-elle dans un rire insolent. « Est-ce cela que vous veniez me dire l'autre nuit ?» « Non mais qu'est-ce qui vous prend, je me le demande. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas regardé dans un miroir ?» Elle se redressa triomphalement, consciente de sa jeunesse et de sa force. « Sans doute avez-vous pensé que m'épouser vous coûterait moins que prendre une servante. Tout le monde sait que vous êtes l'homme le plus avare du pays, mais soyez assuré que ce n'est pas moi qui vous recoudrai vos boutons pour rien. » Pendant qu'elle parlait, Mr. Royal n'avait pas bougé. Son visage avait blêmi, ses sourcils noirs frémissaient, comme si l'insolent éclat du jeune regard de Charity l'aveuglait. Quand elle eut fini, il leva péniblement la main. « c'est bien, » dit-il. Il se dirigea lentement vers le vestibule et prit son chapeau à la patère. Sur le seuil de la porte d'entrée, il s'arrêta, et d'une voix accablée, il constata. « Les gens ont toujours été durs pour moi. Toute ma vie durant, on a été durs pour moi. » Il sortit. Quelques jours plus tard, Northmore apprenait avec surprise que Charity avait été nommée bibliothécaire du Hatchard Memorial et que la vieille Verena Marsh, une pauvresse de l'hospice de Creston, venait habiter chez l'avocat royal pour y tenir l'emploi de servante.